Arcus. AOAKZ. Ça marche pas d'être gentil, faut plus parler maintenant, c'est tout. Je veux plus savoir s'il va bien, on se parle plus maintenant, c'est fou. On n'a pas changé les amitiés, les mauvais, les bâtards, c'est vous. Quand j'ai un objectif, je vis seul, c'est comme ça un point, c'est tout. Moi, c'est une session lance, beaucoup de racines, plus qu'on race. Cœur moisi, dans le classe. Ce mois-ci, moi, c'est pas ça, ça critique et j'en passe. Je fends des fantasmes, t'inquiète, ils me connaissent. Je fais pas le mec en place. Alcoolisé, faut pas glisser. C'est pas le voyou, c'est pas d'ici. Ghettoisé, faut l'oiser. Ils veulent tout monopoliser. C'est la chômage, je connais ses manies. Te fais croire que c'est ton ami. Tu veux mon avis. Qu'est-ce que tu fais bien lagué. Comme pas dans le panneau. Te jette pas à nous. La vie nous a rendu parano. Je suis là par amour. C'est l'enfer mon âme. Tu parles sans précis. J'ai envie de te faire tes blessures. Faut rêver le compte à Messi. Me trahis pas, je t'apprécie. Ça marche pas d'être gentil, faut plus parler maintenant, c'est tout. Je veux plus savoir s'il va bien, on se parle plus maintenant, c'est fou. On n'a pas changé les sans pitié, les mauvais, les bâtards, c'est vous. Quand j'ai un objectif, je vis seul, c'est comme ça un point, c'est tout. Voilà, c'est une session lance, beaucoup de racines, plus qu'on race. Cœur moisi, dans la classe. Ce mois-ci, moi, c'est pas ça. Ça critique et j'en passe. Ils se font des fantasmes. T'inquiète, ils me connaissent. J'fais pas le mec en place. Moi, je suis pas de ceux qui seraient prêts à tout faire pour de la monnaie ou ouais, des sous. Là d'où je viens, j'ai vu que si tu tiens pas trop ta langue, direct ça te fait des trous. Viens, on s'en va, ma jolie. J'ai le cœur au plus bas de mon lit. Prends mes testes, pas Napoli. Faut avoir les reins solides. J'vous oublie pas, je reste solide. Solide. J'laisse couler mes restes polis. Je peux m'énerver comme Boli. Ah. Ils rendent fou la police, yeah. J'suis camouflé comme un ninja. J'peux même plus manger ma pizza. Et les ragazzi, yeah. Ça marche pas d'être gentil, faut plus parler maintenant, c'est tout. J'veux plus savoir s'il va bien, on se parle plus maintenant, c'est fou. On n'a pas changé les sans pitié, les mauvais, les bâtards, c'est vous. Quand j'ai un objectif, je vis seul, c'est comme ça un point, c'est voilà, c'est une session lance, beaucoup de racines, plus qu'on race. Cœur moisi, dans le classe. Ce mois-ci, moi, c'est pas ça. Ça critique et j'en passe. Ils font des fantasmes. T'inquiète, ils me connaissent. J'fais pas le mec en plein.